madame, les contraires s'attirent, sont pleines manies. Je voyais personne quand y'avait nada, rien à foutre de temps que la rime valide. Deux chauffants, t'en fout à madame, les contraires s'attirent. Pas d'amis, que des frères, pas de pute, que des hommes sur la chair de ma chair. Je vous encule, j'en rigole. AMG, en VG, j'ai la folle, j'ai la colle. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des tonnes. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du soul. Désolé, maman, dans ma tête, c'est le désordre. Sur du Alonso, tout le quartier caillasse les forces de l'ordre. Ils sont pleines manies, j'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Tu chauffes quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En île Honda, fais le comme d'hab. Rap ça dans la porte, on a fini comme d'hab. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. J'me la fais comme d'hab, j'fume le mic. J'suis bête de faux, je fais jamais le mic. Quand j'sors les petits reviennent de la gratte, partage les sous, leur écoute la plaque. Comme d'hab, y'a des potes sur le terrain. Viens dans mon monde, sans ma vie, c'est pas terrible. C'est pas terrible, trop pour les mérines. Que des farines, on vit dans du air. J'suis à fond ma vie, mais j'me cache pour pleurer. J'endors plus la nuit, trop mon écœuré. Quelque chose à dire, si le titre est un tigre, fais-le devant ma team, oh galop, salope, salope, j'prends trop, tu vas prendre du calotte. Le RR 1000 est bleu, il prend mal, j'suis de crème bleue. Fais-le, comme d'hab, quelque chose à dire, dis le titre est un tigre, fais-le devant ma team, oh galop, salope. Salope, tu pas trop, tu vas te prendre une calotte. Le RR 1000 lève le, il parle mal si de crème bleue. Fais-le. Oh, ils sont pleines manies, j'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Tu chauffes quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En île Honda, fais le condom. Rap ça dans la porte, on a fini condom. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Oh, ils sont pleines manies, j'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Tu chauffes quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En île Honda, fais le condom. Rap ça dans la porte, on a fini condom.